L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On s'en souvient, il y a 5 ans, Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess recevaient le prix Nobel de physique pour leur découverte d'une anomalie majeure dans le taux d'expansion de l'univers via l'observation de supernovas publiée en 1998. Cette accélération de l'expansion a été depuis attribuée à une constante cosmologique, lambda, d'origine non connue, une énergie noire. Mais néanmoins, nouveau socle du paradigme cosmologique et de son modèle standard. Mais aujourd'hui, 3 physiciens anglais de l'université de Oxford viennent de mettre en doute cette découverte en montrant que la signifiance statistique des résultats sur les supernovas 1A est bien plus faible que celle clamée il y a 18 ans. Subir Sarkar et ses collègues de l'université de Oxford ont exploité un catalogue de supernovas 10 fois plus vaste que celui des astrophysiciens de 1998, le catalogue JLA, Joint Light Curve Analysis, contenant 740 supernovas. Ils y ont utilisé une analyse statistique de type maximisation de vraisemblance, en considérant tous les effets correctifs employés dans l'analyse des courbes de luminosité des supernovas 1A qui sont utilisés pour déduire leur distance avec l'hypothèse que leur luminosité intrinsèque est connue. Rappelons que les supernovas 1A sont ainsi utilisés pour obtenir une valeur de distance et leur vitesse de récession est quant à elle obtenue par la mesure du décalage spectral de la galaxie qui les abrite. Le taux d'expansion cosmique est le facteur reliant cette vitesse mesurée directement à la distance mesurée indirectement. Les chercheurs britanniques concluent dans leur étude parue dans la revue Scientific Reports, un journal en open access du groupe Nature, que les données seraient cohérentes avec une expansion non accélérée, avec un écart de seulement 3 sigma de signification statistique, ce qui ne permet plus de parler de découverte d'une anomalie, pour laquelle il faut une signification statistique d'au moins 5 sigma. On pense immédiatement à ce qui s'est passé au CERN ces derniers mois, où un signal qui pouvait correspondre à une nouvelle particule de masse de 750 GeV était observé avec une signification statistique de 3,4 sigma, faisant couler beaucoup d'encre durant plusieurs mois, pour se retrouver 6 mois plus tard avec bien plus de données accumulées et avec une signification statistique en forte baisse, inférieure à 1 sigma. Une fluctuation statistique et non une particule. On pourra objecter que d'autres données confirment l'accélération de l'expansion, comme les informations du fond diffus cosmologique, le CMB, détecté par le satellite Planck. Mais comme le rappelle l'auteur principal de cette nouvelle évaluation, les tests sur le CMB sont indirects et sont effectués en partant du modèle lambda CDM. Le CMB n'est pas affecté directement par l'énergie noire, mais avant tout par la densité de matière, à partir de laquelle est déduite la contribution de la constante cosmologique, via la règle oméga lambda est égal à 1 moins oméga m plus oméga k. On peut également rappeler que des mesures indépendantes des supernovas, explorant des distances de l'ordre de 10 milliards d'années-lumière grâce à la lumière de quasars lointains traversant le gaz interstellaire, la méthode dite de la forêt Lyman-alpha, montre une décélération de l'expansion à ces époques reculées. L'accélération de l'expansion ne semblant apparaître qu'il y a 5 milliards d'années, là où les données des supernovas commencent à être exploitables et sans que l'origine de cette transition soit bien comprise. Subir Sarkar et ses collègues estiment, d'après leur étude statistique, qu'il est possible que l'apparente manifestation d'une énergie noire ou une constante cosmologique soit juste la conséquence d'une analyse des données des supernovas effectuée dans le cadre d'un modèle trop simplifié. Par exemple, un cadre théorique plus sophistiqué qui prendrait en compte que l'univers n'est pas exactement homogène et que la matière ne s'y comporterait pas comme un gaz parfait, deux hypothèses importantes du modèle cosmologique standard, eh bien permettraient d'expliquer les observations des supernovas avec l'écart de 3 sigma relevé par rapport au modèle sans accélération, donc sans avoir besoin de constantes cosmologiques. Subir Sarkar ajoute « Naturellement, un gros travail sera nécessaire pour convaincre la communauté des physiciens et astrophysiciens, mais notre étude démontre qu'une clé de voûte du modèle standard actuel est en fait plutôt chancelante. Nous espérons que cela motivera de meilleures analyses des données cosmologiques et que cela inspirera des théoriciens pour penser des modèles cosmologiques plus élaborés. » L'existence ou non d'une accélération de l'expansion devrait en tout cas être testée directement par l'observation, sans recours aux supernovas, dans la prochaine décennie grâce au futur grand télescope en projet ou en cours de construction. L'article des chercheurs anglais, donc Sadur Sarkar, Nielsen et Gufanti, est paru dans Scientific Reports, le numéro 6, avec le numéro 35596, et daté du 21 octobre 2016. C'est un article en open access, en accès libre, donc vous pouvez tout à fait aller le regarder, même si c'est assez compliqué à lire, beaucoup de stats. Le lien est bien évidemment en bas du poste. Et il s'appelle, j'ai oublié son titre, Marginal Evidence for Cosmic Acceleration from Type 1A Supernovae. Restez bien à l'écoute sur le www.saspasselao.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers en expansion accélérée se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission, comme toujours, sur PodCloud, ainsi que sur iTunes, ainsi que sur Stitcher, bien sûr. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, qu'il soit en expansion accélérée ou non, et bien sûr les pieds sur Terre. Allez, salut!